Salut les accros, ici le Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Marilyn. Pour le podcast des accros, l'édition du 11 juin 2012. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, malgré cette petite chaleur estivale que nous subissons aujourd'hui. Ouais. Mais très humide, écrasant. Oui, oui, effectivement. C'est très, très humide. Marie peut même le dire. En effet, ouais. Puis pauvres petits enfants qui subissent ça présentement aussi. Oui, il faut effectivement penser aux enfants. Bon, ouais. Ils apprendront sur le tas comme moi quand j'étais jeune. Dans ton temps. Dans ton temps, il fallait juste qu'on saute dans un lac. Dans mon temps, il fallait qu'on saute dans la piscine. Après, eux autres, ils ont appris à pisser dans la piscine. Keep it classy. Oui, effectivement. Quoi de neuf, vous autres? Ça fait un bout que j'ai pas eu de nouvelles. Le dernier podcast date de début mai. Ouais. Des gros changements chacun de nos bords. On va commencer avec Retro Gamer. Qu'est-ce qui se passe de ton bord, mon ami? Ah, moi, je suis bien occupé. Bien occupé. Ah. Surtout au travail. Je raconterai pas tout en détail, là, mais je suis très occupé. C'est ça. Pis toi, antithèse de ton bord? C'est pas la musique de donner des shows, c'est... Enfin! Je jouais plus à mon PlayStation 3. Wouhou! Eh oui, effectivement. On parlait tantôt de. Si tu veux, on parlait tantôt là de Mortal Kombat. Mm-hmm. D'accord. Parce que j'ai une chose à dire. Excellent jeu! Mortal Kombat? Oui, il a. Mais Shao Kahn! Ah, il est tough! Non, il est pas tough! Spoiler! Il est cheap! On se fait des compètes de Mortal Kombat sur la PS3 à job, là. Ah ouais? Ouais. Faites ça, vous autres, à job? Ben, à job, on a une PS3 dans la cafétéria. C'est bon. Si on montrait ça, nous autres, on aurait partout le gouvernement. On se ferait dire, les fonctionnaires jouent... Ah, mais oui. Oui, c'est une entreprise privée, là. Multinationale privée. Voilà. Et toi, Marilyn? Oh là là! Ça se résume à quelque chose seulement, déménagement. Effectivement. Qui a pris énormément de mon temps. Ainsi que le travail, donc des semaines très très très chargées, mais je suis bien contente d'être sortie du déménagement, puis d'être dans un nouveau quartier général. Effectivement, oui, un nouveau quartier général à Montréal. C'est un très très très beau quartier général. Oui, ça va, on va développer ça un petit peu plus au cours des prochaines semaines, mais probablement je laisse planer un petit live qui va venir prochainement. Yeah. Je sais que les gens adorent faire le live, alors on va regarder ça de plus en plus près prochainement, là, je vous dirais. Alors, moi aussi également, le déménagement m'a pris énormément de temps, veux pas, il fallait préparer, arranger que tout le monde soit prêt, c'était de la gestion, mais là, c'est fait qu'on se concentre sur Accro. Comme vous avez vu, j'ai fait ma critique la semaine passée de Torchlight, que j'étais vraiment content de jouer à ce jeu-là. Tu vas aimer le deuxième. Oui, je l'ai précommandé. Je suis en bêta, là, puis je peux te garantir que c'est du fun maximum. Nice. Genre ça va être vraiment cool. Rappelle-moi, Ben, Big Ben, est-ce que Torchlight, tu peux jouer en coopérative en ligne? Je m'en rappelle plus. Pas le premier, le 2, oui. Le 2, on pourra, ouais. Cool, ok, mais là... 20$ en plus. Ben exactement, c'est pas 20$, nous autres, peut-être même des accros, qui sait? Eh oui. On se fera une grosse game, ouais, ça serait, génial. Ben oui. Ça serait vraiment cool. Pour 20$, ça vaut la peine. Mm-hmm. Mm-hmm. J'aimerais remercier en même temps les personnes du site Réseau Gamer qui m'ont offert la copie du premier jeu gratuitement. Ouh. Alors, merci encore à vous autres. Vous avez été super fin de me donner un code de téléchargement du premier. Grâce à vous, j'ai acheté le deuxième. Fait que vous avez fait de la bonne promo, finalement. Alors, côté gaming, qu'est-ce qui se passe, vous autres? Comme je l'ai dit, moi, c'était Mortal Kombat. Bon, vous connaissez la joke. J'ai pas encore fini, les challenges, parce qu'il y a 300 challenges dans le jeu Mortal Kombat. J'ai renoué mes amours avec Fallout 3 au PlayStation 3. Oui. Faudrait que je joue à ça maintenant, hein, c'est Fallout. Ah, c'est bon. Actuellement, oui. Mais sauf que c'est un FPS. Sauf que c'est un FPS, comme qui dirait, Ben va pouvoir peut-être me compléter là-dessus. Plus sophistiqué, plus user-friendly. C'est un mélange de FPS puis de RPG également. Hein. Ah, ok. Si tu veux jouer en FPS, tu peux, durant tout le long du jeu. Mais c'est le fun vraiment de pouvoir twinker votre gun comme tu veux. Puis de vraiment, après ça, tu peux utiliser le système de visée sophistiqué. Donc si tu veux vraiment viser à la tête, ben ça te donne un pourcentage de chance de toucher la tête. C'est vraiment bien fait. Mm-hmm. Sinon, côté console... côté console portable, c'est beaucoup de Professeur Layton in the Unwound Future. Ok, oui! Et j'ai fini le jeu aujourd'hui. Cool! C'est effectivement, sans conteste, un des meilleurs jeux de DS que j'ai joué depuis que je possède la DS. Quoi d'autre? Et prochainement, ça risque d'être sûrement le nouveau, justement, Layton. Peut-être des fois changer pour finir ma troisième game de Resident Evil Revelation. Qu'on a toujours pas joué ensemble encore. Là. Non, parce que j'ai des légers problèmes à configurer comme du monde mon Linksys, mon router. Ah, ok. Puis dès que je trouve une solution, je te lâche un whack, puis on tirera des créatures ensemble. Ouais. On dominera le monde. Ouais. Toi, de ton côté, Marie-Lune? J'ai pas joué à grand-chose. Oui, j'ai beaucoup joué à Professor Layton and Unwound Future comme antithèse. Parce que, veux pas, c'est très, très, très accrocheur comme jeu. C'est probablement un des seuls jeux sur ma 3DS que j'ai eu le temps de jouer. Puis c'est vraiment le seul jeu qui m'a vraiment fait décrocher entièrement de tout ce que j'ai vivé autour, disons. Don't WoW. Oui, j'ai pas joué à WoW depuis un mois. Hé, hey, félicitations. Oh, qui s'en vient? On a un invité qui s'en vient nous rejoindre. Un membre des accros qu'on n'a pas eu sur notre podcast depuis un méchant bout de temps. Monsieur Dark Smile se joint au podcast des accros. Monsieur Dark, comment qu'il va? Allô? Hey, c'est Dark Smile! Ben bonjour, je pense que ça fait un bout, non? Un méchant bout, je pense que la dernière fois que tu es venu au podcast, c'était au mois de novembre. Oui, sacrément. Oups, excusez. Ah, pas trop, t'as le droit de sacrer. Ouais, mais je vais quand même me retenir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, c'est bon. Est-ce que tu utilises encore ta PSP pour... Non, j'ai gardé mon iPhone, le logiciel, puis là, c'est ça, je m'entends pas vraiment parler, fait que je sais pas si on m'entendait bien, mais là, si vous me le dites. Très bien. Ah, c'est bon. Crystal clear. Alors, toi, de ton bord, Dark, ça fait un méchant bout. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je pense que la plupart des accros vont se demander qu'est-ce que t'es devenu, finalement. Ah, ben, j'ai deux jambes. Puis, non, c'est parce que j'avais un... Ben, la plupart du monde, je pense qu'ils ont un... Pour capturer les images sur leur critique de jeu, ils ont un genre de dazzle. Un dazzle, oui. Dazzle. C'est ce que j'ai, ouais, mais... Une carte graphique en conséquence. Ok. Mais moi, c'était une machine beaucoup plus cheap qu'on appelle une VidBox, qui est faite pour les VHS normalement. Fait que quand je joue, j'ai comme un lag de 5 secondes. Fait que c'est pour ça que dans mes critiques, je joue extrêmement mal. C'est pas moi qui est poche, mais elle m'a sauté, elle avait pu enregistrer. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu absent. D'accord. Fait que probablement qu'on va te revoir prochainement dans des nouvelles critiques. En espérant, là. Puis toi, côté jeu, qu'est-ce que tu joues ces derniers temps? Ben, j'ai pas mal joué à Max Payne. Le troisième? Ouais, le troisième que j'ai bien adoré. Qu'est-ce que t'as aimé du nouveau? Parce que, sérieusement, je pense pas que j'ai pas eu la chance d'y jouer encore. Puis je pense pas qu'aucun de nous quatre ont réussi à jouer encore. Non. Ah non? Ben, voyons là. Non. Ben, c'est old school comme jeu, c'est ça que j'aime beaucoup. OK. Vraiment old school, ils ont vraiment gardé la recette des classiques finalement, mais avec... Mais c'est Rockstar, hein, ils innovent toujours sur de nouveaux aspects comme leur bullet time, là, les contrôles, puis la physique extrêmement bien faite. Ça, j'adore ça. Génial. Fait que, donc, si tu donnerais une note de même rapidement, je sais pas si tu avais l'intention de faire une critique, mais... Si tu avais une note à donner au jeu, qu'est-ce que tu te donnerais? Je dirais 8.5. Un bon 8.5 sur 10? Ouais, c'est juste le scénario qui m'a un peu déçu. Ok. C'est beaucoup moins sombre que les anciens, puis okay. Ça se rapproche à plus gang, mettons, guerre des gangs, que d'autres choses. OK. Mais à part ça, c'est un excellent jeu. En tout cas, je vous le conseille. Ah, cool. Ben, génial. Merci beaucoup de nous avoir donné cette nouvelle-là. Qu'est-ce que tu as réussi à jouer ouais, à part de ça? Ben là, je viens de jouer à Mortal Kombat. On venait juste d'en parler. On venait juste d'en parler, oui, effectivement. Ah oui? Ah oui, puis elle vient de commencer... il venait de commencer à jouer à Mortal Kombat. Ben, j'ai fini la storyline, mais mon commentaire principal, c'était que Shao Kahn is a cheap bitch. C'est juste ça, là. C'est le début d'un running gag. En tout cas, vous essayez de me battre parce que j'ai réussi la 300e tour aujourd'hui. Oh, Fibol! Et c'est extrêmement dur. T'es motivé? Ouais, ça a été long. PS3 Dark Smile ou Xbox? PS3. Ah! Je me sens moins seul, soudainement. Hey! Mais si vous voulez, PS3 avait quand même l'avantage d'avoir Kratos, tandis que nous autres, on avait des petits bonhommes Xbox Live qui regardent l'écran. Ouh. Hey, ça, c'est le fun, ça. C'est la seule chose que j'ai vraiment trouvé plate, là. C'est comme... Ah! Ça me tentait vraiment pas d'y jouer. Est-ce que t'aurais vu Master Chief dans Mortal Kombat, toi? Non, pourquoi pas? Il était dans Dead Your Life, Master Chief. Ça aurait été cool. On sait bien qu'il aurait fait la fatalité avec un teabag. Bon, alors ben, je vais y aller de mon bord. Moi dernièrement j'ai joué là je suis en train de, pour ma prochaine critique, de jouer à Spider-Man 2 sur GameCube, vu que le nouveau Spider-Man sort au mois de juillet, le nouveau film. J'ai très très hâte d'y jouer. Puis, ben, de le voir, désolé. Et bon, j'ai ressorti mon vieux Spider-Man. Puis sinon, ben, je suis en train de travailler présentement sur une critique en collaboration. Je vais regarder avec qui qu'on va le faire. Peut-être CE ou peut-être Marilyn, de vieux jeux Atari 2600. Oh! On va retourner vraiment dans le temps. Ça tombe bizarre que tu dises ça, parce que j'ai fait récemment l'acquisition d'un Atari 2600 avec plus de 60 jeux. Fait que... Ah, oui! Est-ce que ça t'a coûté cher? Non. 80$ total. Ah, c'est décent. C'est très décent. Bon. J'ai été vraiment chanceux, moi, de mon bord. Mon Atari, je l'ai pogné 10$ au marché aux puces Saint-Eustache. Non, c'est bon, c'est bon. La seule chose, c'est qu'il manquait un fil. Fait que j'ai dû m'en acheter un nouveau. Ah, t'as quitté un nouveau? De quoi? Un nouveau fil? Un nouveau fil, ouais, c'est... Mais ça m'a coûté... Ça a coûté des peanuts, mettons. Fait que... OK. Fait que là-dessus, j'ai mon Atari. Là, j'ai quelques jeux. Là, je connais un magasin Joyette qui est en vente. Fait que je vais me précipiter là-dessus. Et je vais me préparer à faire une critique au courant de l'été. Une grosse critique. Là, on va regarder ça avec qui je vais faire ça. Là, ça va qui va être intéressé. Alors, là-dessus, on va prendre quelques instants pour aller... Moi, tu me demandes pas quel jeu j'ai joué. Dark Smile est arrivé, fait que là, Retro Gamer PQ prend le port, là. Excuse-moi, Retro Gamer, j'étais totalement oublié. C'est mon erreur. Non, c'est pas grave. Si vous voulez être animateur, impose qu'on joue sans filet. Alors, je te laisse y aller, Retro. Ben moi, récemment, je suis pas mal dans Dragon Quest Monsters Joker 2. OK. Ça faisait un bout que je l'avais dans mes tablettes pas développées. Mm-hmm. Là, j'ai finalement pris le temps de le développer et de m'amuser avec. J'avais bien aimé le premier. Le deuxième est autant le fun. Je sais pas si vous autres connaissez un peu le concept, là. Non, moi, je connais juste les Dragon Quest normales, alors... En tout cas, dans les Dragon Quest plus récents, t'as l'espèce d'arène avec les monstres. Là, il faut que tu bides sur un monstre pour... Ah, OK. Puis là, t'espères qu'il va gagner. Hein. OK, OK. Pour faire du cash. Ben, dans le fond, ils ont pris chance, ce genre de concept-là, sauf que là, c'est un petit peu à la Pokémon, dans le fond. Sauf que t'es un traîneur de monstres de Dragon Quest. Puis là, t'as trois monstres que tu peux synthétiser avec d'autres monstres de level 10 et plus pour avoir augmenté leur pouvoir, puis augmenter leur skill, puis etc. C'est un principe, je sais pas, qu'on dirait que ça commence à prendre l'expansion partout dans tous les univers. Tu sais, là, déjà que World of Warcraft va l'utiliser... Dragon Quest l'utilise, c'est bizarre. Mais tu sais, c'est saucé à la RPG Dragon Quest, là, vraiment standard. Là. Fait que t'as cet univers de Dragon Quest là où les monstres sont les personnages principaux, mm-hmm. dans le fond, parce que c'est eux autres qui combattent d'autres monstres. Puis, les monstres ils gagnent des levels, puis t'as des points d'expérience, puis tes équipes, là, comme si t'équipais un party normal dans un jeu de RPG. Là. Ok. Puis bon, je suis pas mal là-dedans à l'instant. J'essaie de le finir ça. À part ça, ben j'ai finalement réussi à m'acheter Final Fantasy XIII. Oh, le premier? Puis je suis très déçu. Oui, hein. Le ça premier. Fait très longtemps que je n'avais pas joué à Final Fantasy. Depuis le remake du 4 sur DS. Oui. Puis j'ai été très déçu. Ça ne semble pas être un Final Fantasy pour ma part. Non, c'est vraiment... moi, j'ai trouvé que le jeu était très, très, très linéaire. De un, t'avais oui. pas vraiment de chance à pouvoir prendre le choix que tu veux y aller. T'sais, déjà sur la carte, tu peux même pas... Pas d'exploration, décider. C'est vraiment... Pas d'exploration, là, non. Straight to the point, tu combats ce qu'il y a sur la map, puis c'est pas mal ça. Là. Effectivement. Puis apparemment que la fille, désolé, je ne suis pas avec le nom pour Final Fantasy XIII, la fille principale, c'est très, un de mes amis a commenté que c'était une espèce de Cloud. Une espèce de clone de Cloud, mais au féminin. Ah, ça se peut. J'ai pas vraiment aimé le 7. Ah oh, non, je vais me faire fesser. Oh, mais, non, c'est pas... je déteste le 7 aussi, Rétro. Peut-être enfin, on est deux. Mais je le déteste pas, mais ce n'est pas parmi les meilleurs. Non, je suis bien d'accord avec toi. Moi, j'ai encore... j'ai une petite préférence encore pour le 4, fait que... Il est révolutionnaire, le 7, mais c'est ça. Mais moi, je pense que le monde l'aime parce que c'était le premier vraiment Final Fantasy en 3D, puis c'est pas mal juste. Exact. Mais le système de combat était aussi très, très, très facile d'approche. Ouais, sûrement. T'avais pas de classe, t'avais pas de... Le standard des autres Final Fantasy là, qui étaient après le 5, le 4, puis... C'est ça. Ouais. Effectivement. Alors, là-dessus... Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Allô? Non, Dark... Toi, ça a passé. Ça a passé tantôt. Alors, là-dessus, on va prendre quelques instants juste pour faire une petite pause musicale. Et on s'en va écouter un de mes groupes préférés ces derniers temps. C'est le groupe Armed Cannon qui va nous jouer les chansons de Metroid, le premier. Oh, sweet. Ça, en version rock, c'est vraiment bon. Je vous conseille fortement l'album de Armed Cannon, Leg Vacuum. Il est 10$ sur iTunes. Ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez du rock remixé 8-bit, là, vous allez vraiment aimer ça. Metroid for the win! Oui, effectivement. Metroid for the win. Alors, on vous laisse sur cette petite pause et on revient dans quelques instants. Alors salut, c'est Benzaï, vous écoutez Big Ben et Reviewers CE sur accrodesjeux.com. C'est Benzaï de That Guy with the Glasses qui vous dit d'aller sur accrodesjeux.com avec Big Ben et Reviewers CE. Alors, enregistrement de la deuxième partie, inquiétez-vous pas, c'est pas 15 minutes comme à l'habitude, ça va, vous pouvez parler autant que vous voulez. Alors, on embarque dans 5 secondes, 5, 4, 3. Hey gang, on est de retour! Sérieusement, j'espère que vous avez apprécié ce petit morceau-là. Je vous mets le lien sur le site de Arms Canaan. Sérieusement, un groupe à découvrir si vous voulez chercher un bon album de musique rock. Ça vaut vraiment la peine. Alors, l'événement du mois de juin, c'était le 3-2012. Je pense que tout le monde attendait après ce show-là, finalement, vu que tous les gamers, on voulait voir qu'est-ce qui allait arriver pour l'année 2012-2013. Alors, pour commencer, on va y aller avec les différentes consoles. Et après ça, on va parler de différents jeux qui vont sortir sur ces consoles-là. Je vais laisser la place d'abord à Retro Gamer. Tu t'es renseigné plus spécifiquement sur Nintendo. Oui. Alors, je te laisse aller dans tes nouvelles. Qu'est-ce que tu as trouvé sur le côté Nintendo? Ben, j'ai bien aimé le gamepad de Nintendo qui a été refait pour la Wii. Au lieu d'avoir les contrôles là, comme le 3DS, là, le Circle Pad, là. Oui. À cette heure, c'est les dual analog. Ça, c'est ça, c'est une bonne modification. Effectivement. J'ai bien aimé le fait aussi qu'ils ont mis l'accent sur les capacités de connectivité de la gamepad de Wii U pour faire autre chose que seulement du gaming, comme la vidéoconférence. Mm-hmm. Ça, j'ai vu ça dans la pré-conférence de presse avec Satoru Iwata. Puis, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui, ben ça c'est cheap, mais bon, ça peut servir de pour contrôler toutes tes manettes de TV. Oui, ils ont montré ça comme feature, que dans le fond, tu fais tout intégrer tes manettes de TV à ta tablette de Wii U. Ben, je trouvais ça drôle, mais bon, mais je vais probablement le faire. T'es pas le seul, mais même à moi, j'espère juste pas que ça va faire comme les manettes universelles, puis ça va marcher sur une manette sur deux, là. Ouais, je sais pas. On verra rendu là, mais j'imagine que c'est pas le main feature de la console. La console, tu sais. Pour ça, des jeux. Ben, moi, j'étais un grand fan des jeux de Lego. Mm-hmm. Le fait qu'ils aient lancé Lego City Undercover, j'étais excité comme un enfant. Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi que ça va ressembler, ce jeu-là? Eh bien, imagine le monde de GTA à la Lego. OK. Puis au lieu de jouer un criminel, tu joues une police. Fait que là, quand il y a un gars qui va s'en aller, il va construire son char puis il va partir dedans, c'est ça? Ben, tu peux piquer des chars puis comme dans GTA, puis t'as des missions comme dans GTA. Puis évidemment, c'est ça avec l'humour. Pis, non, je pense pas qu'il y ait des prostituées en Lego. Ah, OK. Quand même un jeu à la base pour enfants. C'est bon. Mais c'est open world, là, comme GTA, etc. Là, quand j'ai vu ça, j'ai fait hey, « wow, ça va être cool ». Puis surtout que j'ai tous les jeux de Lego ici, fait que moi, c'est sûr que ça va être mon launch title déjà en partant. Pour ça, il y avait le jeu d'Ubisoft, Zombie U. Oui. Étant un tripeux de zombies, je ne peux qu'apprécier ce genre de jeu. Moi aussi, j'ai été très très surpris par ça. Le gameplay m'attire beaucoup. Ouais, hein? Et tu peux utiliser ta gamepad pour aller voir les endroits que tu peux pas voir à l'écran. Mm-hmm. Et tu vois les points faibles des zombies, puis utiliser des armes, des trucs machin. Je trouve moi, en tout cas, c'est le genre de gameplay nouveau qui m'intéresse. J'ai aussi apprécié le fait qu'il offre une alternative comme le Gamepad Pro. Là. Oui. Au début, le premier dessin qu'ils avaient montré dans la conférence, c'était ressemblait vraiment à une manette de Xbox. Mais le nouveau design qu'ils ont montré au E3 est un petit peu plus écrasé, puis ressemble beaucoup moins à une Xbox. Moi, je l'ai appelé la manette Batman, là, parce qu'elle elle remonte en haut, puis elle descend en bas. Là. OK. Mais pour ça, le fait qu'il annonce des jeux comme Assassin's Creed 3, sa Wii U, déjà. Moi, c'est Batman que j'ai été impressionné par les contrôles que tu vas avoir et les additions qu'ils ont rajoutées dedans pour la version Wii U, là. Ouais. J'aimais l'idée du Batarang que tu contrôles avec la manette. Je trouve que ça va plus marcher que la version bouton. 6 axes. Mais de la manière, c'est 6 axes. Ouais, un petit peu, oui. Je trouve que ça va bien mieux aller pour lancer le Batarang que la version. Moi, j'ai joué sa version Xbox là, pour ce qui est de Batman, donc j'avais pas de. Il y avait pas vraiment de move okay. à faire là. Je dois avouer que ça allait bien pareil sur la PS3. Ah oui? Ouais. J'ai pas eu de problème avec ça. Ok, ok. Puis, finalement, côté machine, côté. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? Ben, c'est sûr que Nintendo, eux autres, leur but, c'est pas de compétitionner avec Microsoft et Sony. Mm-hmm. Eux autres, de toute façon, ils ont pas besoin de compétitionner parce qu'ils vont en vendre des millions, des millions, des millions. Donc, ils ont rien à foutre de la compétition. Mm-hmm. On a juste à regarder les chiffres de vente de la Wii là, comparativement aux autres mondialement. Puis. On se pose même pas la question si la Wii U va vendre. Là. C'est pas une machine qui va révolutionner le gaming, mais étant un gamer qui aime toutes les consoles et tous les jeux, pour moi, c'est pas un problème. OK. Fait que j'ai bien aimé ça. Pour ça, il y avait le 3DS, des jeux comme Castlevania, Lord of Shadow, Mirror of Fate. Oui, ça, ça tu avais montré un petit bout d'ex... C'est plus PL qui était vraiment content de cette nouvelle-là. Je l'ai annoncé sur le forum. Oui, tu l'as annoncé sur le forum. Mais ouais, ça... amorcer des discussions. Mais j'avais l'impression que t'avais une petite bémol là-dessus. Je sais pas si... Mais as-tu vu le gameplay, là? J'ai vu le gameplay autant de Mirror Fate et... Retro, est-ce que tu vas me casser la gueule si jamais je mentionne Castlevania 2, Lord of Shadows? Oui, c'est correct, ça. Oui, mais c'est ça. Mais, on va procéder dans l'ordre. Mirror of Fate, c'est un jeu que, en fait, au lequel j'attends. Mais c'est juste que si je me pose la question, ça va être quoi? Mais ça, tu vas avoir plusieurs générations de Belmont pour commencer. Dans Mirror of Fate? Oui, t'as Trevor Belmont, qui est le fils direct de Gabriel. Mm-hmm. Tu vas avoir Simon Belmont, qui est probablement le fils de Trevor. Il y a Alucard qui revient. Oui, ça c'est... Puis il y a un quatrième personnage qu'on sait pas encore c'est qui, mais que moi je soupçonne qui va être une fille, donc... Sonia? Il y a des chances que ça soit ça, mais moi je pense que ça va être plus Sifa, ou sinon ça va être... voyons, la petite, là. J'ai oublié son nom. Attends. Maria? Ouais, mais Maria était avec Richter. Oui, mais c'est parce que ça se passe sur plusieurs générations. Ouais, d'accord. Le jeu se passe dans plusieurs temps. Là, on parle de Mirror of Fate. Ouais, Mirror of Fate. Ça se passe entre Lords of Shadows et Lords of Shadows 2. Ok, c'est pas un hors-série. Là. Ça fait vraiment partie de l'histoire. Non, ça fait partie de l'histoire. C'est vrai, dedans, entre les deux jeux principaux là, de ces consoles. Ah, okay. C'est juste de se situer, dans le fond. C'est bon. Sans compter aussi que Alucard, il y a des rumeurs fortes qu'Alucard apparaît dans... Lords of Shadow 2, tout ben, ça, qu'est-ce que t'en penses? Moi, à la fin, on voit un gars qui ressemble à ça. Ouais, exact. À la fin du trailer. Ils n'ont pas montré la face, rien, mais ils ont montré genre. Le costume. Et moi, je soupçonne que ça va être Alucard. Je ne suis pas vraiment un fan d'Alucard, mais pour les fans d'Alucard, je pense que ça va être une bonne chose si jamais c'est lui. Sinon, ça peut être d'autres choses carrément. Là. J'ai aussi pensé à celui dans. Le deuxième sur PS2, là. Le blond, là, aux cheveux courts. Ah, pas le. Dans Legacy of Darkness. Ouais, dans Curse of Darkness. Curse of Darkness, excuse-moi. Ouais, c'est ça. J'ai pensé plus au point de vue armure, mais bon, tu sais, on peut faire faire des théories là-dessus à l'infini. Mais tant qu'on. En tout cas, moi, je suis sûr que ça va être Alucard parce que s'il est dans Mirror of Fate, il y a des grosses chances qu'il soit dans Lord of Shadow 2. Fait que finalement, il y a quand même bien d'excitation pour autant Lord of Shadows 2 que Mirror of Fate. Oh oui, c'est le fait de voir plusieurs personnages qui sont quand même importants dans la série, saucés à la Lord of Shadow, là, parce qu'il ne faut pas se cacher, Lord of Shadow, c'est un reboot total de la série. Là. Excellent jeu même. Oui, excellent jeu, puis je pense que c'était un reboot qui était très dû, là, c'est pour ceux qui... Effectivement. Mais est-ce que vous l'avez tout fini, Lord of Shadow, ici? Moi, pas encore. Okay. J'ai vu la fin, mais pas encore. Ah, oh, t'as vu la fin? J'ai vu la fin, ouais, mais j'ai pas encore. Mais moi, j'ai pas fini le jeu en tant que tel. J'ai pas fini non plus, fait que. Dites-moi pas la fin. Ah, ok. C'est fini. De toute manière, Darksmart, toi, t'as sûrement Castlevania Lords of Shadows, puis parce que Kojima est impliqué dedans. Puis effectivement, t'as des feelings de Metal Gear dans la façon que dans la manière que l'histoire est racontée. J'ai rien compris que la première fois que j'ai joué à Lord of Shadow. Je sais pas si c'est parce que je suis trop niaiseux, là, mais vers la fin, j'étais assez confus. Là. Mais j'avoue, j'ai aucun Castlevania chez nous, fait que vous savez pourquoi je l'ai acheté. Mais actuellement, c'est pas une mauvaise chose, parce que vu que c'est un reboot. Non, justement, ça m'a comme donné la piqûre pour connaître ceux sur les DS puis les PS1. Et Nintendo, et Game Boy, et Game ouais, Boy. Oui, toute Clark, la patente. Ouais, tous les systèmes possibles et connus. C'est ça. En parlant de petites consoles, on va laisser Marie-Lune discuter de jeux 3DS et PSP. Pas PSP, PS Vita. La fameuse Vita. J'allais charger de regarder quelques jeux qui pourraient nous intéresser durant la discussion. Ok. Vous voulez que je commence par quoi? La Vita ou la 3DS? 3DS, ça va donc. 3DS, je pense que ça va être moins pire. Ouais, heureusement. Il y a plusieurs jeux qui vont sortir sur la 3DS. Ils n'annoncent pas de nouvelles 3DS ou de nouvelles couleurs qui ne sont pas sorties présentement. Cheap. Mais... Non, pas les couleurs. Ben écoute, la mauve aurait des bugs. Ouais, ma conjointe aurait bien aimé que la mauve soit existante lorsqu'elle l'a achetée. T'inquiète. Moi aussi. Marie-Lune, elle passe devant un eBay Games samedi, puis elle fait comme « Ah, oh, pourquoi qu'il n'est pas sorti quand il était le temps, je m'en achète une! » C'est pas mal ça, il sait aussi. Je l'aurais trippé, oui, je l'avoue. Elle est belle, hein, Titi. Elle est belle en chienne. Vraiment. Enfin, bref, de ce qu'on a de nouvelles au niveau des jeux, il va y avoir Epic Mickey Power of Illusion qui va sortir sur la 3DS. D'ici la fin de l'année, oui. D'ici la fin de l'année. De ce que j'ai vu en vidéo, ça s'annonce très bien. J'ai hâte d'y jouer. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, la gang, mais moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment, vraiment hâte. J'ai aimé le premier Epic Mickey. C'était vraiment un très bon jeu pour la Wii. Quelques problèmes de caméra pour ce qui est de la version Wii. J'imagine qu'ils vont changer ça pour la version DS. Oui, j'espère. Puis en 3DS, ça risque d'être vraiment beau au niveau graphique, là. Mais moi, j'ai pas joué à Epic Mickey, mais d'après ce que j'ai compris, celle-là sur la 3DS, ça va avoir un style des jeux de Super Nintendo de Mickey qu'il y avait. Là, oui, oui, effectivement. Ça cool. Juste avoir les screenshots et tout ça, ben, ça tombe un petit peu dans mes cordes. Fait que j'ai bien aimé les jeux sur Super Nintendo de ça. On va peut-être essayer ça. Sinon, on parle de ça. Comme on a parlé, notre cher ami Retro Gamer, il y a Castlevania Lords of Shadows qui va sortir, mais on n'en reparlera pas pendant 3000 ans parce que on a assez parlé. Oh, attention, hein, il y a des fans. Faut juste dire qu'il va sortir tentativement cet automne. Parle de ça. Mm-hmm. Ouais, mais il y a toujours des délais à gauche, à droite, là. Oui, pour différentes raisons, puis c'est normal, là, c'est pour... mais tu sais, c'est comme la plupart des jeux, il peut avoir des délais supplémentaires. Moi, je suis sûr qu'il va y avoir des délais. Mais... Sinon, à part de ça, de mon côté, que j'ai trouvé très intéressant, il y a un nouveau Super Mario Bros. Qui va sortir. Yay! New Super Mario Bros. 2, la 3DS. Ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'il y a des changements dans le gameplay, hein, Marie? Oui, je pense que l'univers est un peu différent. Ça semble être plus au niveau... En tout cas, je sais que les coins sont très, très importantes de ce que j'ai vu du trailer. Aussi, il y a un nouveau power-up qui est lancé, qui est en rapport avec les sous également. On fait plus de sous. Je peux pas lancer vraiment plus là-dessus. Sinon, à part de ça... Ben, il y a aussi un nouveau power-up que j'ai remarqué, c'était le je pense que c'était un champignon qui te permet de te transformer en écureuil volant. Un écureuil? Oui, tu planes. Pas un nuki, là, en écureuil. Ok, ok. Non, c'est vraiment un écureuil volant. Je pensais que tu parlais du retour de la queue raton avec... Non, la queue raton, elle est déjà revenue dans le... Ouais, mais pas pour voler. Ah, ok, oui. Je pense qu'elle joue pour voler, là, cette fois-ci. Je sais... Peut-être que je me suis mélangé avec New Mario Bros. Sur le Wii U, peut-être. Je me suis peut-être mélangé. Non, la queue est dans le Mario Bros. 2. Puis le dessous de l'écureuil volant, je pense qu'il est dans la version Wii U. Il semblait qu'on n'avait pas vu le même trailer. Ça se peut, ouais, je me suis mélangé. Désolé, mon erreur. Un jeu que je pensais être contente de voir, puis que finalement, ça ressemble à être un petit peu de la merde, par exemple. C'est un jeu de Final Fantasy, mais qui s'appelle The Art Rhythm Final Fantasy. C'est un jeu à la Guitar Hero, que tu fais de la musique, tu joues la musique des Final Fantasy. Ben oui, il sort le 3 juillet, d'ailleurs, que je vais me procurer. Ouais. Sauf que moi, personnellement, c'est pas mon type de jeu. C'est sûr, c'est pas pour tout le monde. Donc, j'irai pas me l'acheter ou jouer à ça, parce que je vais trouver ça trop plat. Ben, personnellement. C'est que, je te dirais, c'est surtout les fameux, les Japonais qui adorent ce genre de jeu-là, qui sont un peu fuckés, qui vont vraiment sauter sur l'occasion. Es-tu en train de dire que je suis un fucké? Bien sûr, ouais. Un fucké. Ah, c'est sûr, voyons. On est tous fuckés. C'est pour ça qu'on fait le podcast ensemble. On est accro des jeux, selon toi. Tu sais, là, nous autres, là, on est proches, toutes les cinq, d'être dans la même cellule pour à Pinel. Allô? Tu sais, bon, OK, 6 avec le coloc de Darth Maul, là. Ça serait pas surprenant. Ouais. Je l'ai attaché, là. Tu l'as attaché, là? Ouais. Good. Tant mieux. T'as pas ça, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort? On a un nouveau Kingdom Hearts qui sort pour la 3DS en 3D qui s'appelle Dream Drop Distance. Que personnellement, en voyant le trailer, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Est-ce que t'as joué aux deux autres? J'ai joué à un des deux. Okay. Mais je suis vraiment, j'ai vraiment hâte, par exemple. C'est pas la version juste DS que t'avais joué? Oui. Ok. Non, elle a pas joué au 1 et 2. Elle a joué à la version DS de... Comment ça s'appelle? Recorded. 25 divisé par 2. Non. Elle a joué à Recorded. Ah, Recorded, ok. Ouais. C'est la version qu'elle a joué. Je me donne cette année comme défi d'y faire jouer les deux. On va essayer, si le temps nous le permet. Oh que oui, il va avoir du temps. Yes. Je vais trouver un clone, puis je vais faire ça. Enfin bref, sinon il y a un autre jeu Lego qui sort, c'est celui du Seigneur des Anneaux. Pour la 3DS. Nice. Puis toutes les autres consoles du monde possible. Ouais, ça aussi. Mais moi personnellement, je suis pas une fan des jeux Lego, mais je sais qu'il y en a ici. Donc Moi j'ai quand même apprécié le Indiana Jones, celui que j'ai ici. Batman aussi était le fun. Mais après ça, j'ai comme arrêté. J'ai l'impression que c'était toujours le même jeu qu'ils nous redonnaient. Dans un univers différent. Mais, ouais, mais c'est ça qui est cool. C'est tu peux jouer d'un jeu à l'autre, puis t'es pas perdu d'un contrôle. Ouais, tant qu'à ça, tu peux jouer à un jeu de hockey, puis c'est la même affaire. Ben... Pas exactement. Ouais, je les apprécie chaque jeu de Lego qui sort. Moi... Moi, je les aime, non! Ok. Marie, on comprend. Marie, va être serrée dans tes bras. Je pense qu'elle en a besoin. Il est un petit peu trop loin en distance, ouais, malheureusement. C'est à moi que tu veux y payer un billet d'autobus sans venir à Québec. Bon, ou ben, un billet de jet privé. Ouais. Bon, ben, on te... Cody, beat me up. Ben, de toute façon, il descend pour le Comic-Con, alors tu lui donneras un beau câlin dans ce temps-là. Un câlin backside comme avec JP Cardin. Ouh. Excusez-moi. C'est un moment de... Comment dire? Ça s'est passé à la 2000e de Monsieur Net. Marilyn a décidé de faire un câlin backside à JP Cardin qui est... quoi? Pas le double, mais quand même plus grand que toi, puis poilu. Un petit peu plus grand et poilu que moi. Alors, ça fait juste bizarre de le voir en train de donner un gros câlin à ma blonde. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'il était très, très, très... Il avait beaucoup, beaucoup sué et c'était un petit peu dégueu, finalement. Mais bon! À 2000e de Monsieur Nerf, il faisait tellement chaud, il y avait tellement de monde, puis c'était pacté avec tous les projecteurs, tout ça, là. Une chance qu'il nous donnait deux bières, parce que je pense que j'aurais crevé de chaleur. Fait que tu peux faire une pizza là-dedans, c'est ça que tu nous dis. Facilement. Ah ouais, à côté d'un spotlight, là, juste à côté du gazon, à Hidalgo, je pense que t'aurais pu. Sinon, moi, j'ai pas d'autres jeux de la 3DS qui sortent présentement qui ont capté mon attention, mais je sais pas si vous autres, les gars, il y en a qui ont vraiment capté votre attention. Y a-tu des nouvelles sur le prochain Luigi's Mansion au 3DS? Ou oui, oui, oui. Il y a eu? Parce que moi, je l'ai pas vu. J'en ai pas vu non plus. Et etc., là. Oui, ils ont montré un peu de gameplay aussi, comment ça va se passer. C'est que c'est pas dans un seul manoir, ça va se passer dans plusieurs manoirs. Donc, on va changer de style de manoir finalement. Ça va être un petit peu plus fun. Sinon, qu'est-ce que tu avais vu, toi, de ton bord rétro? Ben, j'ai pas vraiment porté attention vraiment, mais j'ai vu le gameplay de base qu'ils avaient montré. Puis particulièrement, j'ai aimé la scène où Luigi est dans l'ascenseur, puis il n'y a pas de musique, rien. Puis à un moment donné, l'ascenseur elle descend trop vite, puis là, il pèse le piton. Puis, c'est juste ça, je me souviens. Oui. Pauvre Luigi, qui est toujours pogné dans ces situations-là. Où son c'est frère. C'est le bouche-trou de Mario. Hein? Puis il dit, c'est le bouche-trou de Mario. Effectivement, ouais. Mais j'imagine que. Ce serait le fun qu'il se rebelle un moment donné puis qu'il pète sa coche à Mario, ça serait tellement drôle. Il n'y a pas assez de couilles pour ça. Ça arrivera. Ben, il peut le faire dans Super Smash. Ouais, mais encore. Tu sais, tant qu'à ça, on pourrait voir Samus arriver dans le monde de Mario puis battre Bowser en un coup, là. J'avoue. Avec une powerbomb, ouais. Mais là-dessus, je peux peut-être vous raconter une petite anecdote d'un Ice Cupé quand j'avais 6 ans sur justement Mario et Luigi. Ice Cupé, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, bon, c'est pareil en ice, donc les patinages artistiques à glace dans le temps, c'est le Forum de Montréal. Fait que it takes you fucking back. Oh my god. Fait que là, dans le cas de Mario Luigi, c'était l'histoire habituelle. Ah, il faut sauver la princesse. Et Mario dit, je m'en vais sauver la princesse à Luigi. Luigi répond, mais c'est toujours toi qui a le gros plaisir. Est-ce un début de rébellion? Ça, l'avenir le dit. Probablement pas, parce que si on se fie à tout ce qui s'est passé après, c'est toujours Mario qui va sauver la peau à Luigi. Fait que... Même encore hier, j'ai encore sauvé la peau à Luigi en jouant à Mario Galaxy, fait que... Ouais, mais là, c'est faut que tu... En tout cas, je sais que dans Luigi Mansion, le premier, il fallait que tu sauves Mario, fait que... Ouais. Lui, son moment de gloire, Luigi. Ouais, il faut lui donner ça à Luigi, mais... Ah, je regrette tellement de l'avoir vendu, ce jeu-là. Puis Mario is Missing, le jeu sur Nintendo et Super Nintendo, Mario is Missing. Nerd l'avait critiqué, puis il l'avait tellement démoli, là. Ah, c'est de la merde, ces jeux-là, là. J'ai essayé de jouer. Maintenant, j'avais loué ça quand j'étais jeune, puis... C'est pas Mario, ça. On fait rien là-dedans. On fait juste apprendre des choses. Un jeu éducatif, ça n'a jamais été intéressant. Non. Sauf le jeu Limonade à l'école primaire sur les ordinateurs. Ah, c'était cool, ça. Ouais, ça, c'était cool. Tu gérais ton kiosque à limonade. Ouais. Je suis la seule à ne pas avoir joué à ça. Non, moi aussi. Vous êtes trop jeune. C'est pas ça. Pardon? un jeu que j'ai oublié de mentionner, vous connaissez probablement tout Skylanders. Oui. D'ailleurs, Skylanders est le vidéo que j'ai fait qui est le plus populaire jusqu'à ce jour. Oui. Et donc, ils ont annoncé Skylanders 2, qui est Skylanders Giants sur la Wii U et probablement les autres consoles. Donc, je vais probablement me le procurer et dépenser des sommes faramineuses là-dedans. Encore en petite figurine. Ah oui, là, ça va des grosses figurines. Donc, ça va coûter encore plus cher. Encore plus cher. Mais j'aime bien le premier, donc là, j'imagine que le deuxième va me satisfaire tout autant. Donc, oui, mais le concept, il est génial. Ben oui, pour faire du cash, oui, surtout. Pour faire du cash aussi, mais sinon, en tant que jeu, le concept est génial. Oui, ben moi j'ai trouvé ça génial. Puis c'est pas, tu sais, il y en a qui disent ouais, ben c'est tout dans le jeu déjà, puis gna, tu veux juste l'activer avec une figurine. Ouais, mais quand tu download du contenu dans NoDab, mettons, ça prend du temps, c'est des affaires que tu fais juste activer en payant, mais t'as rien de physique dans les mains. Hein. Non. Tandis c'est ça pareil. Tu l'as dans les mains, la figurine, puis tu peux l'amener sur toutes les autres consoles, puis tu vas pouvoir jouer au level qui est rendu, etc. Ça, c'est du plus value dans mon book. Moi, ce qui m'empêcherait de le faire, je pense, c'est le manque de place. Oui, ben, c'est sûr que ça va prendre plus beaucoup de place quand t'en as beaucoup. Là. Effectivement. Et là, ils ont dit aussi qu'ils allaient ressortir les figurines pour le premier. Okay. Pour le deuxième, mais dans une pose différente. Fait que là, tu viens de rajouter un élément collection encore plus grand pour ceux qui vont en acheter plusieurs. Là. Parce que tu peux réutiliser tes figurines du 1 dans le 2. Là. Ah, ça, c'est ah, heureusement. Tant mieux, au moins. Ça, en plus des nouvelles là, qui sont qui, les Giants, là, finalement, là, qui ont, je pense, 2 ou 3 pouvoirs combinés de 3 ou 4 figurines, en tout cas. Normal. Là. OK. Puis ça, le concept de Giants, dans le fond, c'est peut-être des plus gros Scamanders qui font plus de dommages, qui sont plus hot, puis etc., qui ont plus de pouvoir, puis qui ont plus accès à d'autres zones que les petits n'ont pas. Dans le temps d'Apollon, tu vas avoir un. Tu sais, dans 4 versions après, là, tu vas être rendu avec un monstre de jouet. Ah ouais, c'est ça, ça va être la hauteur d'un humain normal. Mais ça, c'est ton portal of power. Oui, effectivement. Tu vas te promener avec des pancartes grandeur nature de monstres. Là. Ben oui. Puis là, il y a une rumeur comme quoi que la tablette de la Wii U pourrait servir de portal of power. Ben, ça serait. Ben, vu un temps qu'elle l'utilise, vu qu'Ubisoft veut l'utiliser. Ouais, ben c'est ça. J'imagine qu'Activision aussi vont s'en servir pour ça. Mm-hmm, effectivement. Si, en tout cas, moi, j'ose espérer qu'ils vont sortir le 2 sans que tu aies besoin d'acheter le gros kit au complet de base, là, si tu n'as pas déjà un Portal of Power. Là. Mm-hmm. Parce que je trouverais ça plate d'avoir 2 Portal of Power là, dans mon salon. Hein. Ouais, je suis d'accord. T'sais, ça me servirait à rien. Mm-hmm. J'espère qu'ils vont vendre le jeu séparément. Mm-hmm. Ben d'accord avec toi. Alors, on va retourner. Marie, tu avais encore quelques nouvelles, je pense, pour ce qui est de la PS Vita, je pense. La fameuse Vita, ouais. T'es sûr qu'on a des nouvelles? Ça a l'air positif. Attendez un instant, je pense que j'ai le son idéal pour ça. Pour la PS Vita, qu'est-ce qui s'est passé au E3? Marie, pas tout. C'est pas passé grand-chose, je pense. Pauvre petite Vita, là. Pauvre petite. Ouais, mais... Il n'y a rien de bien intéressant qui a été annoncé pour les Vita. C'est ça. À part du réchauffé. Il y a deux jeux. C'est une console très puissante, mais qui n'est pas exploitée pantoute. Pas encore, mais ça c'est Sony. C'est... Sony a toujours fait depuis même la PlayStation 1. Ben, c'est parce qu'auparavant, je pense que Sony avait une bonne idée pour ce qui est de la PlayStation, mais plus en plus qu'ils sont rendus à vouloir sortir des nouvelles technologies exclusives. Ben, bonne idée pour la PlayStation, c'est grâce à Nintendo. Hein? Oui, oui, c'est grâce à Nintendo. Oui. Si Nintendo n'avait pas cancellé leur contrat pour aller vers Panasonic, ils n'auraient pas eu de PlayStation. Et voilà. Effectivement, t'as bien raison. Mais non, sérieusement, ben quand même, la PS2 avait été produite après. J'ai plus apprécié la PS2 que les autres consoles. Là, ah oui, la PS2, c'était une excellente console. Mm-hmm. On va dire, c'est peut-être même la meilleure console de ta génération-là. Mm-hmm, effectivement. La plus vendue aussi. Oui, oui, la plus vendue aussi. Ben, elle avait l'argument d'avoir un DVD interne. Ouais, dans ce temps-là, c'était comme un argument de vente, là, mais Star, il n'y a pas beaucoup. D'ailleurs, le monde switch pour le streaming et tout le kit. On n'a rien à foutre des souris et des DVD. Oui, bien raison avec toi. Alors, Marie, c'est quoi tes nouvelles que tu as pour cette console? Il va y avoir le jeu Big Planet, Little Big Planet, qui va sortir sur la Vita. Oh, qui n'est pas du tout nouveau sur les autres consoles. Bah ça, c'est normal. Là. Sinon, il y a le nouveau Assassin's Creed 3 qui va sortir comme sur toutes les autres consoles sur la Vita. C'est pas celle-là qui a une version féminine? Supposé, oui. C'est ça, c'est une autre histoire comparée à celle du 3. Mais ce jeu-là va quand même sortir sur toutes les autres consoles. Il sera pas exclusif à la Vita, là, on s'entend. Sinon, encore une fois, Lego, le Seigneur des Anneaux, va sortir sur la Vita. Yeah. Comme sur toutes les autres consoles. Il va avoir le PlayStation All-Star Royale. Ah, c'est pas le jeu cloné sur Smash Brothers? Oui, monsieur. J'allais en parler. Sony, des idées innovatives. Wouh! Je vais laisser Marie les honneurs de parler de cette pseudo-horreur. Non, mon gars. Il n'y a pas grand-chose à dire, disons. Il n'y a pas grand-chose vraiment qui sorte au niveau jeu. Fait que ça ne me donne pas encore de raison, pour ma part, de l'acheter. Ils ont annoncé un Call of Duty là-dessus. À part ça. Un Street Fighter aussi. Ah. Et... Call of Duty en question, c'est pas Black Ops 2 qui va être disponible sur toutes les autres consoles. Il y avait dit un Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, PL? Oui. Ok. C'est tout. Parce que je sais pas ce qui avait essayé de dire. Ouais, mais il y avait d'autres choses. Ah, non, pas moi. Mais... C'était-tu Dark? Ben, dans le fond, je voulais juste dire qu'il y avait un titre à part, que ça serait Black Ops 2 sur PS Vita, mais je m'en rappelle plus. Fait que c'était pas ben intéressant. Non, non, actuellement, t'as raison. Dark, mais c'est juste, comme a dit Retro, c'est. Ça irait de sortir sur les autres consoles. Oui. Ouais. C'est pas. Attends, je pense que ça s'appelle Black Ops Declassified. Ça ressemble à ça. Oui, ouais. Oui, merci. Merci, oui. Savez-vous un peu qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu? Je sais pas, j'ai cheaté, j'ai checké sur Google. Ah non, ils ont juste mis l'image Black Ops, puis ça finit là. Pas Black Ops, Call of Duty, puis ça finit là. Ah, ouais. Oh, cheap. Mm. Ben quoi que, c'est grand, tu t'attends à peu près à savoir qu'est-ce qui va se passer. Hein? Ben, je suis pas sûr, mais il paraît qu'on tue des gens là-dedans. Ouais. À part ah ouais, sur... vraiment? Oh ouais, c'est vrai que c'est nouveau. Quand même, je pensais que c'était des oursons. Ah, oh, ça se je sais pas. Call of Duty Teddy Bear Edition. Ça serait une malade. Attends, tu tues pas des zombies dans Call of Duty? Non. Damn! Non, on tue pas des oursons non plus, puis on... Damn! Ça va être bien meilleur que ta version du jeu que t'avais acheté. C'était quoi, Naughty Bear? Naughty Bear, ouais, oui. Oh my god, quel jeu mauvais. 30$ rétro, 30$, c'est sur ta conscience. Ah, oh, je l'ai, je sais. C'est 30$ sur ma conscience qui m'a coûté 9$, en tout cas. T'aurais dû acheter Conker. Hein? T'aurais dû acheter le jeu Conker si tu voulais tuer des teddy bears. Ah, peut-être. Mais là, j'ai vu Naughty Bear, fait que j'ai dit, ah, pourquoi pas. Mais c'est quelle erreur. Ah. Sinon, à part ça, est-ce que tu as d'autres nouvelles, Marie? Non, c'est vraiment mort pour la Vita, malheureusement. Alors, on va aller du côté de PlayStation avec Mr. Antithèse. Yes. Qu'est-ce que tu as découvert pour toi? Je dois vous l'avouer, je suis quand même curieux sur le périphérique qui s'appelle le Wonder Book. Qui va sortir pour. Pas sortir, mais utilisé pour la PS3 et la PS Vita. Oui, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à Harry Potter. Le Wonder Book, actuellement, ouais. Les premiers jeux, va être un espèce de livre de spells, un livre de magie, dont justement J.K. Rowling va être impliqué dedans. Parce qu'il y aurait, également un livre de jeu de Harry Potter pour le Wonder Book. Wow! Je suis déjà intrigué. C'est déjà meilleur que... C'est relativement intriguant, mais pour pouvoir jouer avec le Wonder Book, il faut avoir la PS Move et la PSI. Mais je crois qu'également, ils vont s'arranger, Sony va s'arranger pour ne pas non plus que les consommateurs soient trop pénalisés. Je vous dirais que le Wonder Book, à défaut de ne pas parler de nouvelles consoles PS4, c'était ça, je vous dirais, la grosse attraction de Sony. Parce que sinon, on tombe dans le nouveau God of War. On tombe dans The Last of Us. The Last of Us qui est... Ça va être bon. C'est très intéressant. Ça a l'air intéressant. À part que on revient encore avec le concept post-apocalyptique. Il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant parce que c'est un post-apocalyptique. Le problème, c'est que il y a beaucoup de jeux récents qui sont... à saveur post-apocalyptique. Fait que c'est comme si on prend un concept et on essaie de le pousser au maximum pour ensuite l'oublier quelques semaines après. Pour faire un full catch rapidement. En même temps que je pense à The Last of Us, je pense également à I Am Alive. Mm-hmm. Dans le même style, mais que c'est pas le même gameplay. I Am Alive, il est plus... les deux sont survivants, mais I Am Alive, il est plus... Vraiment survie. Survie. Il s'en merci comparé à The Last of Us, où The Last of Us il est plus ergonomique. Effectivement. Ben d'accord avec toi. Les graphiques sont également plus réalistes dans The Last of Us. Et déjà que c'était dur à battre I Am Alive, ben The Last of Us l'a fait. Il y a également plus une histoire plus à faveur apocalyptique, justement. Dans The Last of Us que dans I'm Alive. Vous voyez, je fais la comparaison justement pour soutenir mon argument. Les deux jeux ont peut-être quoi à peine un an d'intervalle. Puis c'est pas les seuls jeux à saveur apocalyptique. Mm-hmm. Ah non, il y en a beaucoup. Là. Regarde ces derniers temps. La grosse mode. Oui, c'est la grosse mode avec les zombies, là. Mais ça, c'est parce que aussi, aussi les gens avaient capté surtout sur le succès de Fallout, dont j'aimerais, mais sans non plus en faire des FPS. Au lieu d'en faire des FPS RPG, ils en font des jeux d'aventure, ce qui est correct. Donc, petite parenthèse, je sais pas pour vous autres, moi je m'attendais à ce que Bethesda parle du nouveau Fallout San Francisco. Est-ce que je l'ai manqué ou il a vraiment pas passé? J'ai rien vu de mon côté. Moi non plus. Je te dirais que la licence, elle est très, on dirait, sur le time-out depuis une couple d'années. Ben, elle est encore en dispute avec Interactive Vision puis Virgin. Oui, la seule chose... À cause du Fallout MMO. Oui, mais je pense que cette histoire-là a été résolue dernièrement. Il y a eu une nouvelle, il y a une couple de temps, disant comme quoi que la poursuite était réglée. Là. La poursuite était réglée, mais c'est pas encore totalement fini. Il y a encore des affaires à finaliser. Mm-hmm. Il n'y a juste pas de détails sur ce qu'il y a à finaliser. Parce que sinon, on aurait eu des nouvelles comme quoi qu'il y aurait eu le jeu de Fallout MMO qui serait en finition de développement. Parce qu'apparemment, qu'il reste pas grand-chose sur Fallout. On va attendre des nouvelles. De toute façon, je te dirais que le 3 est rendu un peu moins de ce qu'il était auparavant. Mais ça, je vais revenir comme en commentaire éditorial vers la fin là-dessus. Mais ça a manqué beaucoup de... Il en manque beaucoup, je trouve. Tu parles pour la PlayStation 3? Ah, pour toutes. Pour tout point. C'est vrai que c'était très décevant en général, le 3 cette année. C'est ça. Non, c'est ça. C'est Non seulement il n'y avait rien à attendre, mais également, la marchandise n'a pas vraiment été livrée comme elle aurait dû. On pensait que l'an passé, c'était... C'était moche, mais cette année, ça a battu l'an passé. Mm-hmm. Mon avis. Ouais. Fait que, de toute façon, on va regarder ça pour la fin du show. Certainement. On va continuer avec la PlayStation, si tu as trouvé d'autres choses également. À part la Wonder Book et The Last of Us, en tant que tel, il n'y a rien vraiment digne de mention. C'est ça qui est plate. Parce que sinon, je pourrais parler de Castlevania 2 Lords of Shadows. Mais on l'a déjà élaboré. Pas mal. Ouais. Effectivement, fait je pense. Que Rétro, ça a qu'on en parle plus, qu'on sache qu'est-ce qui va arriver. Tu penses-tu que Patrick Stewart va reprendre son rôle de Ronaldo? Je sais pas. J'ai pas vraiment suivi Lords of Shadow 2, malheureusement. J'ai manqué à la conférence de Sony. Et je sais pas si tu as plus d'informations que moi. Là. Non, j'ai pas les mêmes informations que toi là-dessus. Parce que ce qu'ils ont montré, c'est gameplay, le trailer, où c'est que... Gabriel, il bat une armée, des armées. Ok, j'en sais pas plus que toi, malheureusement. Et voilà. comme vous pouvez voir, chers auditeurs, Rétro et moi... G4 Tech TV avait fait une entrevue live au E3 avec David Cox, le producteur. Oui. Puis, il parlait du gameplay, etc. Mais il montrait pas vraiment de gameplay de Lord of Shadow 2. C'est gardé secret vraiment. Pendant qu'il parlait de ce qu'il voulait faire avec le 2, puis tout le kit, puis genre la connexion avec Mirror of Fate, puis tout ça, il montrait juste du gameplay de Lord of Shadow 1. Fait que... Ouais. Ça, on va attendre prochainement, parce que si j'imagine qu'on va sortir d'autres images là-dessus pour ce qui est de la connectivité. Il va sortir d'autres, c'est savoir c'est quand ça sortit, mais je pense que c'est pour 2013. Non, c'est sûr. Alors, là-dessus, avant que je commence avec les autres jeux, qu'est-ce qu'ils vont sortir pour les prochaines consoles et des autres compagnies, je vais laisser Dark nous parler un peu de son impression des images qu'il a vues de Metal Gear Rising. Ben, on n'en a pas appris beaucoup cette année sur Metal Gear. Mm-hmm. Mais quand même... Mais déjà, le personnage principal, moi, je l'aime pas en tant que fan de Metal Gear. Je pense que t'es pas le seul. OK, j'espère. Mais... En Amérique du Nord, le nombre de personnes qui n'aiment pas Raiden est assez légion. Sauf que Raiden, au Japon, il est adoré plus que Snake. C'est sûr, vu qu'il y a une allure plus féminin, il est plus populaire au Japon. C'est vrai. Mais il a gagné beaucoup en popularité après le 4. Moi, je l'ai encore plus essayé avec ses moves de breakdance. Mais C'est sûr, je vais l'acheter Rising, mais de ce qu'on a appris, c'est un hack and slash, ça ressemble à un Ninja Gaiden, mais je suppose que ça va être bien meilleur qu'un Ninja Gaiden 3. Il était horrible. Ouais, ben, des nouvelles que j'ai vues, c'est très, très... Le jeu a pas l'air vraiment fameux. Ben, j'ai joué à la démo de Ninja Gaiden 3, puis honnêtement, j'ai pas toffé. C'est ridicule, mais parlons de Metal Gear. Oui, oui, oui. En fait, ça reste un hack and slash qui a l'air quand même intéressant. Je veux dire, les combos que tu peux faire. Ils ont gardé le même principe du Zandatsu, le fait que tu peux découper tout ce que tu veux. Ça a l'air de bien marcher. Mais ils ont, comme dit, il n'y a pas vraiment rien de nouveau là-dessus. Ils ont montré un trailer où on voit des nouveaux personnages et tout. Puis... Aussi, ils ont parlé que les fans, ben, les créateurs Platinum Games, sont conscients que le scénario va être aussi gros que les Metal Gear ordinaires qu'on connaît. Ils vont mettre beaucoup d'importance au scénario, même si c'est un jeu hack and slash, puis pas du tout infiltration. Ok. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner prochainement. J'espère tout simplement que ça me décevra pas, parce que même si, bon, la fin du 4 m'a pas mis heureux, ben je vais quand même attendre avec impatience de voir les images de ce jeu-là. Fait que dans le fond, ce qu'ils font pour Rising, c'est qu'ils l'ont simplifié complètement. Oui, ils l'ont simplifié, mais ils ont gardé l'essentiel de la série. Ils vont retravailler sur le personnage de Raiden, vraiment les émotions, puis toute son histoire vont le travailler. Ils n'ont pas mis ça de côté, là. Ils n'ont pas juste fait un vulgaire jeu de combat puis that's it. Non, ils ont vraiment gardé l'essentiel de la série quand même. Est-ce que tu es en mesure de nous dire c'est quoi la différence entre Rising puis Revenger? Entre Rising puis Revengeance? Ouais, merci Revengeance, merci. Ben, Metal Gear Rising, Revengeance, ça reste ce qu'on a vu. Mais avant que ça s'appelle Rising Revengeance, ça s'appelait Metal Gear Solid Rising. Ouais. Puis il y avait la possibilité à l'époque de carrément détruire des buildings au complet. Fait que ça simplifiait beaucoup trop le jeu. Dans le fond, tu pouvais quasiment tuer personne, détruire le building, t'avais fini le tableau. Ben oui. Puis ils ont dit que ça n'a pas de bon sens, on peut pas faire ça. Fait qu'ils ont confié le studio à Platinum Games. Puis ils ont perdu beaucoup de temps puis d'argent sur l'ancien principe. Fait que c'est pour ça que c'est devenu un genre de hack and slash bien simple. Ok, ouais. C'était tout ça ta question en passant? Pas mal, oui, actuellement. Ok, c'est bon. Slash, avoir ton avis. C'est bon. Ben moi, je vais l'acheter, mais je me dis que ça va être un bon jeu de combat, mais dans ma tête, ça sera pas un vrai Metal Gear, même si le scénario va quand même être gros. Alors, là-dessus, on va vous laisser pour une deuxième pause musicale. Le temps de refaire le plein d'eau et de bière et de toutes les choses qu'on a besoin. Et on va venir d'ici quelques minutes. On embarque avec une chanson de l'orchestre de jeux vidéo de Montréal qui ont. Je pense qu'il y a un show qui s'en vient prochainement. Je vais revenir après la pause là-dessus. Alors, bonne musique! guys, what's going on? You are listening to Les Podcasts de Acro with Big Ben and Reviewer C. I'm Mike. Petit nouveau qui vient nous se rejoindre à notre podcast, c'est un gars qui est comme le Capitaine America. Ça doit faire au moins 40 ans qu'on ne l'a pas vu. Il est finalement de retour. C'est le Reviewer C. Ouais, décongelé, yes. Comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Peux-tu me donner un peu de ta glace? Il fait chaud ici. Ah non, je l'ai dit, elle est fondue, là. Il fait trop chaud, il fait 40 quasiment avec humidité. Il fait chaud en tout cas ici dans l'appart, ça, je peux le garantir. Ah, boy. Hey, moi, j'ai l'air climatisé, je suis tellement bien. Pas chier. Pas chier. Alors, qu'est-ce qui se passe de neuf, toi? C'est, ça fait un bout que les accros t'ont pas vu. Ouais. La vidéo était postée fin mars. Ouais, c'est à peu près ça, dernière vidéo. Ben, à chaque fois, je me dis, faut que je revienne, mais l'inspiration me vient moins qu'avant, donc il faut que je retrouve la force de refaire tout ce que je faisais. Alors, ben, déjà, ton retour sur le podcast va réjouir la plupart de tes fans, alors là-dessus, on peut dire qu'ils vont être gâtés par toi. Ouais, tant mieux, tant mieux. Alors, on était rendu côté Xbox pour ce qui est des nouvelles. Je me suis chargé de vérifier les nouvelles pour le Xbox. Et sérieusement, cette année, Xbox ont vraiment mis l'emphase sur deux choses. Tout d'abord, la fameuse Kinect, qui ont montré encore... Encore les bienfaits de cette nouvelle bébelle qu'ils nous présentent. Mais également de la nouvelle Glasses. Qui est une sorte d'application que tu peux télécharger pour ta tablette et avoir des informations exclusives pendant que tu joues. Donc, par exemple, si tu joues à Halo 4, ben, ils vont te donner des informations par rapport au jeu, comme par exemple combien de monde t'as tué, tout ton pourcentage finalement. Là. Cette idée-là est comme reprise, je dirais, du bon vieux temps où est-ce que tu avais une GameCube et une Game Boy Advance. Moi, je trouve, là. Plus ou moins, là, mais... Je me souviens pas, il y avait quelques jeux avec connectivité GameCube et Advance, comme le Zelda Four Swords, je crois. Ouais, c'était plus Nintendo qui en ont fait exploitation, les autres compagnies. Là. Pas tellement, puis c'était pas quelque chose de gros, là, faut dire. Là. Personne n'avait le câble, fait que... Il a fallu que j'achète 4 Game Boy Advance pour jouer à Four Swords. Wow. On sait c'est qui a de l'argent entre nous cinq. On appelle ça économiser. Okay? Ah. J'ai jamais dit qu'il quittait acheter neuf. Ouais, non. C'est ça. Je suis d'accord avec toi d'abord. Bon, ça s'appelle mettre de l'argent de côté, ce que les nouvelles générations aujourd'hui semblent pas être capables de faire. Hashtag true fact. Oh, ça va apparaître sur Twitter dans pas long. les fans de Skyrim comme moi ont découvert qu'il va y avoir une extension qui va être exclusive pour un temps sur Xbox 360. L'extension s'appelle, si je me souviens bien, donnez-moi un instant, je suis en train de vérifier rapidement, Dawnguard. Et il va coûter 1600 points pour télécharger. Et c'est des nouvelles quêtes dans le jeu Skyrim. Donc c'est 20$. Pour le monde comme moi. C'est pas donné pour des quêtes? Ben, c'est une expansion. C'est une extension, donc... Ça promet pas mal de quêtes aussi, là. Mettons que, de toute façon, j'ai été bien servi avec mon 60$ que j'ai... Ben, avec le cadeau que j'ai eu de ma blonde, qui m'a offert ce jeu-là, ça m'a beaucoup pris de temps, finalement, à finir Skyrim, oui. Alors, là-dessus, je peux donner ça. Une nouvelle que j'ai été bien surpris, pour ce qui est du PC, il va y avoir un nouveau Painkiller. Je sais pas s'il y a des fans de Painkiller ici. C'était quoi, mais pas plus que ça. Alors, Painkiller, je sais pas si vous connaissez le jeu Serious Sam. Oui. Ah oui, oui, oui. Où il y a des vagues de monstres qui vous attaquent et vous devez les arrêter tous avec votre gun. Oui. Ben, il va y avoir un nouvel épisode qui va apparaître sur PC d'ici l'année prochaine. Moi, j'aime bien ça, ce genre de jeu-là. C'est le genre de jeu que je me... Tu sais, je me casse pas la tête, puis je tire dans le tas, puis j'aime ça, t'sais. Finalement, je lâche mon sou. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Sinon, à part ça, rapidement, c'est très, très, très limité ce qui a trait au jeu. Je dirais que c'est la plupart des jeux ont déjà été annoncés pour ce qui est des autres consoles. C'est à peu près le même titre. Sérieusement, pour ce qui est de Xbox et PS3, moi, ça m'a comme déçu cette année. De mon avis, là. Puis c'est à peu près ça. Côté rapidement pour ce qui est de Ubisoft. Demain, les jeux qui ont annoncé, bon, on a eu des nouvelles images de Assassin's Creed 3. Je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, vous autres. De mon bord, je l'ai manqué. Je sais pas c'est qui a parlé après, c'était PL. Ouais, moi j'avais dit que ça m'a l'air spécial, effectivement. Ouais, effectivement, j'ai quand même hâte de y jouer. Mais je pense que je vais plus le louer avant de l'acheter, par exemple. Mais message pour une accro en particulier, si elle serait. Shadix, ouais, c'est intéressant qu'elle, par écrit sur les forums, nous dise ce qu'elle en pense de ce qu'elle a vu de Assassin's Creed 3. Effectivement, ouais. Plus qu'à ce qu'elle a encore dit. Elle a pas dit grand chose, je pense. Ouais, non, mais j'ai bien hâte de voir ça. Ben, j'imagine qu'elle doit être occupée ces temps-ci aussi, avec l'école qui finit tout ça, là. On va avoir des nouvelles prochainement, je suis sûr. Elle va nous sortir un petit quelque chose rapidement. Alors, là-dessus, Ubisoft nous ont présenté ça. Ils ont présenté quelques jeux comme le fameux Zombie U, que j'ai hâte de jouer comme Retro nous parlait. Moi, je pense que ce jeu-là, ça va être comme le Red Steel de la Wii. Exactement. Oh. Quel jeu déjà? Excusez, j'étais comme space out. Zombie U, ils disent que ça va être le nouveau Red Steel. Moi, je pense que ça va être le nouveau Red Steel de la Wii. Là. Ça va être. Ils vont tester les fonctions, puis ça va marcher comme la merde, finalement. Ah, moi, je suis plus optimiste. Je suis plus optimiste. Mais toi, CE, tu parles de Red Steel 1, pas Red Steel 2. Ouais, le premier. Parce qu'apparemment, le 2, il est beaucoup mieux travaillé. Moi, oui, je pense je pense qu'Ubisoft a plus de talent que ça. Pourtant, ben, ils ont sorti le premier, puis c'est sorti en même temps que la console. Ça avait vraiment. Ça avait démoli pas mal intéressé. Mais l'idée de base était le fun, mais ils ont pas su utiliser. Mais je veux dire, avec ce qu'il y avait dans la main, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Bon, ça je vois pas ce qu'ils peuvent faire de si incroyable avec. La manette de la Wii U à date, là, mais... Ben, l'avoir vu, moi, ça m'a plus impressionné que Red Steel. Parce que Red Steel, j'ai pas vraiment aimé ça. Ben, moi non plus, là, on s'entend, là. Non, mais je comprends. Je trouve juste que Zombie U, c'est plus développé que ça, là. Bon, je pense... Bon, peut-être, mais c'est sûr, ça va être un peu plus développé. Hein, mais c'est pas dur à battre, Red Steel, mais je pense pas que ça soit aussi fort que ce que les gens vont s'attendre. OK. Ben, le principe que t'as une vie, c'est un peu bizarre aussi, mais ça peut être intéressant. Mais à part ça, je veux dire, ça reste un jeu de zombies. Il y a Left 4 Dead, il y a Resident Evil, je sais pas, il y a l'embarras du choix, jeu de zombies, anyway. Effectivement. Ouais, t'as bien raison. Zombie versus Plants. Ouais. On marche pas encore dans le même monde, en tout cas. Mais ça, j'ai entendu la fonction d'une vie où ton bonhomme il meurt, tu vas prendre un autre. Là. C'est ça. Mais bof. Je sais pas, là, ça me dit pas grand chose non plus. Côté Electronic Arts, pas ben une nouvelle intéressante. Ils étaient comme absents eux autres. Ils étaient comme pas mal disparus à part nous annoncer le Dead Space 3. Wow. Comme on s'y attendait pas. Pouette. Effectivement. C'est à peu près tout, ça se résume quasiment à ça, 3, c'est tout ce qu'on savait déjà quasiment tout ce qui sortait. Oui, effectivement. Sinon, on a su quelque chose par rapport... voyons. On a su quelques nouvelles par rapport à ceux qui aiment le jeu... Star Wars The Old Republic. Ben, finalement, à partir du mois de juillet, vous allez pouvoir jouer jusqu'au niveau 15 gratuitement. Wouhou! Ça sent la copie de WoW. Alors, sinon, pour les fans de Counter-Strike, je sais pas s'il y en a entre vous autres. Ouais, je jouais avant. Ça fait longtemps. Alors, on a là une date de sortie du prochain Counter-Strike qui est annoncé au E3. Alors, ça va être le 21 août prochain. Puis, il devrait pas coûter cher, selon eux autres, parce que selon les informations qu'on aurait, ça coûterait aux alentours de 15$. Ah! C'est pas juste une expansion? Non, c'est pas de l'air. Ça va être un jeu complet pour pas cher. C'est un download ou quoi? Oui, un download. Ok. Moi j'ai beaucoup joué à Counter-Strike 1.6 sur Steam. Là. Moi c'était Source. Puis, ouais, Source, c'était Source. Mais en tout cas, il faisais l'OD sur Steam aussi, là. Mm-hmm. Puis moi, je jouais souvent au mode zombie, qui était assez le fun, mais j'ai arrêté de jouer il y a un bon bout de temps de ça. OK. Sinon, à part ça, je dirais qu'il n'y a pas bien de nouvelles. On a vu Disney sortir une annonce. Une annonce de film, on en a parlé un petit peu dans le forum. Les mondes de Ralph. Wreck-It Ralph. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Oui, j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai vu tous les vilains de jeux vidéo comme Bowser, Bison, Zangief. Il y avait Chun-Li là-dedans aussi. Oui. En tout cas, ils ont coupé Dr. Wily, mais ça a l'air qu'il était là. Oh. Il y avait quoi? Il y a Q-Bert là-dedans. Là, en tout cas, je suis très, très intéressé de voir ce film-là, sérieux. Moi aussi, sérieusement. J'ai hâte de voir l'idée qu'ils vont... C'est le petit geek en moi, là, qui... Geek rules. Yep. Effectivement. C'est à peu près ça côté de ce que moi j'ai remarqué pour ce qui est du E3. On va y aller avec nos impressions générales d'abord de la console. Ben, je dis du E3. Ah non, c'est vrai, j'avais une petite nouvelle exclusivement pour Monsieur Retro Gamer. Quoi? Après la Retron 3, il nous annonce la Retron 2. La Retron 2? Oui. Officiellement, ils vont c'est nous sortir. C'est quoi, c'est un downgrade de la 3, c'est quoi? Ben, effectivement, parce que tu as seulement deux types de jeux qui peuvent être sortis. C'est la NES et la SNES. Ok, c'est quoi, Sega, ils ont décidé de poursuivre Hyperkin ou quoi, là? Non, c'est juste qu'ils vont continuer à produire des Retron 3, mais ils ont vu un marché pour le Duo. Ok, fait que le Duo est plus populaire que la Retron 3. On dirait. Moi, je m'attendais à ce que tu dises Retron 4. Ouais, c'est ça, mauvais. Ça aurait pu être pas pire avec l'Atari 2600, tu sais, déjà, que les manettes de Genesis, ça marche dedans, là. C'est un fait. C'est un fait. Ça aurait pu. Et la Retron 2. Ouais. Mettre ces gars CD dessus. Oh my god! Ça. Et pourquoi qu'ils annoncent Retron 2? Je veux dire, ils ont déjà. Hyperkin a déjà deux consoles qui font ça. Là. Mm-hmm. Effectivement, j'ai été. Ça m'a fait de quoi, je te dirais. J'ai vu ça sur Kotaku, je pense. Ok. J'ai essayé de t'envoyer l'article, mais ils ont vraiment tourné, puis ils ont montré la Super Boy, qui est la version. Ouais. Miniature Super NES portable. Ouais. Super NES portable. Puis il disait que la Retron 3. Il parlait en gros pourquoi qu'il l'avait faite. Mais finalement, tu sais, c'est comme juste par principe que le monde, on dirait qu'il en voulait plus de. Il voulait juste de la NES et la SNES. Mais pourquoi tu voudrais pas avoir le troisième port de Sega, tu sais, tant qu'avoir trois. Tu prends les trois, pas juste deux. Tu sais, mm-hmm. Si c'est le même prix en plus, je vois pas l'intérêt. Bizarre. Alors, je vais envoyer ça sur notre chat personnel pendant qu'on est sur notre Skype, parce que oui, on fait le podcast sur Skype, vu qu'on n'habite pas tous dans le même coin. Mais c'est ça, ça m'a surpris qu'il ait décidé de faire ça. Il y a vraiment toutes les particularités de la Retron 3, où on peut brancher une manette de Super Nintendo et une manette de Nintendo ordinaire. Je trouve ça bizarre pourquoi on peut juste faire ça une, mais le restant a l'air de tout être là. Oh, ouais. Eh bien. Bizarre. Effectivement. Alors, je vais vouloir entendre vos impressions générales du E3. Mais Ben, t'as pas parlé du gros feature de la Xbox Live? Je t'avouerais que j'ai peut-être manqué ça. Ouais, tu peux-tu nous en parler un peu? Internet Explorer pour Xbox Live. Voyons. Ça m'étonne que tu n'aies pas parlé de ce méga feature de la mort. Contrôlable avec Kinect. Oh. Okay. Tant qu'à ça, je vais aller taper sur mon ordi, tu sais. C'est comme, ok, Internet Explorer sur Kinect. Ok, c'est beau, mais pour moi, ça a comme fait bof. Quand j'ai entendu ça, je m'attendais à des rires dans la salle. Là, mais... Genre, Internet Explorer! C'est parce que je pense qu'on s'y attendait juste comme trop, là. Déjà que les autres consoles le font, même la Wii, elle le fait, là. Ben oui, c'est ça. Là. Ça fait longtemps qu'ils en parlaient de plus. Mm-hmm. Fait que. Des boîtes. Ça va faire comme le chat vidéo de Xbox, ça va tomber. Boîte. Ça, poète, ça va oublier totalement. Non, ça m'a comme passé 100 pieds au-dessus de ma tête, puis ça m'a comme fait. Oh. Non, t'as pas été impressionné. pas en tout. Moi, j'ai été impressionné qu'ils ont eu l'audace de l'annoncer ça au E3, tu sais. Ouais, moi aussi. J'aurais dû dire, c'est quelque chose que tu fais dans un update de la console. Ah ouais, tu mets ça à la touche. Eh oui. Ben, ça, j'imagine que ça m'a fait à peu près la même impression que quand l'année passée, j'ai su que la PS Vita, la 3G va être disponible seulement sur le site de mais sur le réseau de AT&T. OK. Comme l'un des pires fournisseurs aux États-Unis, là. Mais oui. Ouais. Là, la foule avait réagi, par exemple. Ah oh, ouais, elle avait ri à l'époque, là. C'est comme, t'as vraiment senti le malaise. C'est comme un des moments où j'ai vraiment senti le malaise dans la salle de 3, là. C'est comme, OK. C'est comme si nous autres, ce serait Belle qui s'en occuperait. Et tabarnak. Ouais, non. Bah, désolé. Je fais partie de Belle. Ah, moi, je suis pas capable de Belle. Ah, oh, c'est de la merde. Justement. Ouais, Vidéotron, c'est québécois à la con, là. J'aime pas ça, encourager ça. Même pas bah, ouais, la différence, c'est que Vidéotron, ils ont un très bon service à la clientèle. C'est ça. C'est le métier qui travaille là. Au service à la clientèle. Ben, en tout cas, je trouve qu'ils ont toujours donné du bon service quand je les appelais, là. Ouais, ouais, sur ça, il n'y a pas de problème, mais je trouve que c'est tout le temps l'augmentation. Puis québécois, ouais, moi, je les emmerde, là. C'est sûr, mais tu payes pour le bon service qu'ils offrent, là. Tu comprends? C'est-à-dire... Belle, tu paierais plus pour avoir le même service. Marre, hey, Belle, quand il pleut, tu peux plus regarder la TV, c'est fou. Ouais, quand il... Ouais, ça, t'as raison. Ouais, c'est... sauf que c'est le fibre à Québec, c'est... Ah, c'est vrai. Ah, ah c'est le fibre, ouais. T'es-tu sur fibre, toi? Non, moi, je suis sur Vidéotron. Ok, tu es sur Vidéotron. Parce que je cherche des nouvelles là-dessus. J'ai pas bébé de feedback sur le monde qui l'essaye. Ben, moi, je connais quelques-uns qui l'ont, puis c'est bon. Hein. Mais comme Vidéotron disent, ben, bienvenue, v'là 6-7 ans. Ça fait longtemps qu'on est sur la fibre optique ici à Québec. Hein. OK. Effectivement. Alors, sinon, est-ce que j'ai oublié d'autres choses? On a-tu parlé de Watch Dogs? Non, moi, j'ai même pas checké c'était quoi, ça. On l'a mentionné. T'aurais dû... Alors, je te laisse y aller. Ah oui? Ouais, vas-y, je te laisse y aller. Ben, disons que c'était la grosse annonce, ben la grande surprise d'Ubisoft, ce jeu-là. C'est un jeu en open world qui est très beau, très fluide, qui est très impressionnant, la foule a réagi. Puis c'est un open world qui est... C'est comme un Assassin's Creed des temps modernes, avec des cellulaires qui peuvent hacker l'environnement. C'est dur à expliquer. Il n'y a pas eu grand détail, on a juste vu un long gameplay d'à peu près 10 minutes, je pense. C'est tout ça. Mais t'as pas okay. trouvé que c'était super scripté en mort, ça? Moi, je suis très déçu. Ben, j'avoue que ça avait l'air scripté, mais on a juste vu 10 minutes de gameplay, on n'a pas eu de détail. Fait que ça se peut que ça peut être décevant, mais de ce que j'ai vu, moi, j'étais impressionné, mais c'est vrai qu'on peut être déçu quand même. Mais c'était très beau, à moins que c'était, ouais, c'était un beau, faux gameplay. C'était beau, ça c'est sûr que c'était beau. Là. C'est ça, c'est sûr. Et parce que moi, j'ai trouvé que c'était scripté, puis que ça prenait des concepts de Max Payne, puis mélangé avec GTA, puis... Max Payne? Ouais, à cause il y a du bullet time là-dedans aussi, puis toute la quête. Ah ok, ouais, ben ils sautent pas un peu partout, mais c'est vrai qu'il y a le slow motion. Mais j'avoue que... Ben j'attends des nouvelles de ce jeu-là. Il avait l'air bien beau. Ok, je vais me renseigner, je t'avouerai, parce que ça m'a comme pas captivé, mais on va garder ça, sait-on jamais. Mm. Alors. Est-ce que vous avez parlé de Nintendo pendant mon absence? Oui, on en a parlé. Ah. Mais, si tu veux donner ton avis, vas-y fort. Ah, ben c'est juste que j'avais trouvé ça médiocre, pas mal. Là. Surtout la FIFA Nintendo Land, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi laid, là, c'est, personnellement. Là. Ah oui, ça, je sais pas à quoi ils ont pensé, là. Le Nintendo Land. Oui, oui c'est oui, comme... Oui, oui, oui, oui. Le Miiverse. Comme Disneyland, mais avec des trucs de Nintendo avec des Mii dedans. Là. Ah, ok, le Miiverse, ok. Ouais. Ben, pas Miiverse, mais vraiment Nintendo Land. C'est un comme jeu. Comme une sorte de jeu. Avec des minigames. Ah, ok, ouais, ok, ça c'est un des. Ouais. Ça là-dessus, je suis d'accord. Là. Un genre de PS Home pour Nintendo, mais qui a l'air un petit peu plus poche. Ouais, ben, déjà, c'est dur à battre. Ouais, PS Home, j'ai essayé ça 2 minutes, puis je l'ai désinstallé, tu sais. Ouais, moi aussi. J'ai essayé ça, puis j'ai comme fait, ok, je fais quoi, là? Il y avait rien, là. Tu te promènes, tu vois, pour les previews, puis Oh, mais il y avait des têtes de poule, pareil. Oui. C'est juste ça qui est intéressant, à part ça. Attends, je vais aller le reloader, je reviens. C'est bon. On va te perdre pour le reste du podcast si tu vas faire ça. Ça va prendre toute la bande passante. Puis, Effectivement. Pour pas grand-chose. Pour une game de poule. Alors, là-dessus, on va donner nos impressions du E3 lui-même. Chacun d'entre nous, on va dire qu'est-ce qu'on en pense finalement du E3. Je vais commencer avec. On va commencer avec CE, t'es. Ouais. Ton appréciation générale du E3, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que vous avez vu pas mal au long de notre conversation d'aujourd'hui. Je trouve que c'était pas mal des trucs qu'on s'attendait déjà. Puis, okay. Moi, voir du gameplay de jeux qu'ils vont annoncer, ça me dérange pas tant que ça. Moi, je le check plus tard sur YouTube, whatever. Je m'en fiche pas mal. Est-ce que tu as quelque chose qui t'a quand même retenu, que tu as envie de jouer ou. Il n'y a pas grand-chose qui a vraiment marqué. Il y avait le Tomb Raider, par exemple, qui ressemblait beaucoup à Uncharted, qui avait de l'air pas pire. Le nouveau Tomb Raider de PlayStation. Ben, le nouveau, finalement, avec la Lara Croft plus jeune. Et, oui, c'est ça. Ouais, ça ressemble beaucoup à Uncharted. Ça avait l'air quand même assez cool. Et le Halo 4, je dois avouer, le gameplay était vraiment intéressant. Mais sinon, c'était pas mal des trucs à ce que je m'attendais. Puis ta claque en arrière de la tête, qui la mériterait? La claque en arrière de la tête, c'est quelle compagnie qui la mériterait? J'irais avec Nintendo, là. Ah ouais? Ouais, tu sais, ils ont rien annoncé comme de spectaculaire pour m'encourager à acheter la Wii U. Puis, tu sais, même, ils ont parlé de Batman Arkham City version Armored. Mm-hmm. C'est juste que tu fais des affaires avec la tablette, puis Batman a une armure, puis il donne des coups plus forts. Une armure shiny. Ouais. Donc, ça encourage pas sérieusement. Tu sais, moi, j'ai joué au 360, je l'ai fini, c'était super bon, mais pourquoi je le rachèterais sur la Wii U, tu sais? Ben, il y a Pikmin qui était bon. Ouais, Pikmin, ouais, j'ai jamais joué au jeu d'avant de Pikmin, fait que moi non plus. Pas vous dire là-dessus. Oui, j'ai hâte parce que j'ai beaucoup aimé le Pikmin 1. J'ai pas eu la chance de jouer au 2 encore, mais vu qu'il y a eu une drop de prix du 2 pour la version Wii, je vais aller me le chercher. Ouais, c'est ça, je pensais faire aussi, essayer ça, Pikmin. Alors, non, ça va être quelque chose que je vais regarder prochainement, je t'avouerai. Alors, on va aller du côté à Retro Gamer. Ben, moi, c'est Ubisoft qui a volé le show pas mal de tout le E3. OK. Puis, ben, tous les jeux qu'ils ont annoncés, les autres d'Ubisoft, là, vraiment, leur show faisait vraiment un stand-out. Ben, moi, personnellement, aussi, pour Nintendo, je le mettrais en deuxième. Ben, moi, j'ai toujours un petit faible pour Nintendo de toute façon. Fait que je suis pas biaisé, mais en tout cas. Mm-hmm. Puis, je sais pas si vous connaissez Jessica Negri. Oui! Ben, Jessica Negri qui était dans le costume de Juliette de Chainsaw Lollipop. Donc, ça a fait le E3 pour moi. Et ta claque en arrière de la tête, c'est qui la mériterait? Ah, ben, moi je dirais Microsoft pour avoir présenté Internet Explorer. Effectivement. ça va être l'air très très mauvais. Il faut que tu checkes ça. Je vais checker ça après le podcast sur YouTube. Tu vraiment perds ton temps là-dessus, toi? Ben, ça m'arrive que j'ai du temps à perdre. Mais il devrait avoir honte, là. Tu sais, en pleine conférence de presse du E3, tu sais, We have a big feature! Avec Xbox Live. Ouais, ok, whatever. Sean, de ton côté, Dark, qu'est-ce que t'as? Ton gros thumb-up? Moi, j'ai été déçu pas mal de la conférence, mais comme on a dit, Ubisoft, je pense que c'est eux qui ont vraiment fait le show, en tout cas pour moi aussi. Puis, j'ai été déçu de PlayStation quand ils n'ont pas annoncé que Snake serait dans Battle All-Star. Là. Ouais. Puis que Bioshock, le Big Daddy, j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'y a aucun rapport, mais bon. Il n'est même pas exclusif. Ah, ça, il l'est. Actuellement, ça, maintenant, il l'est. Ah oh, ouais. After. Ça, pourquoi il est dans All-Star? Parce qu'il est devenu exclusif. Ouais, mais dans le 3 qui va sortir, il va-tu être sur Xbox aussi? Bioshock? Bioshock 3, je crois qu'il est effectivement exclusif au PS3, mais ça, le temps le dira. La raison pourquoi que Big Daddy est dans All-Star, c'est parce que Sony a réussi à avoir l'exclusivité. Ah. OK. Et tu l'as pas Raiden, Dark? Non. Honnêtement, j'aurais aimé ça avoir Raiden dans All-Star, parce que tu sais, prendre Kratos puis battre Raiden. Hey. Ça aurait plus fité, j'avoue. tu rêverais juste d'y briser la colonne vertébrale pour être sûr qu'ils reviennent pas. Ah, j'aimerais ça. Puis la claque en arrière de la tête, c'est qui la mériterait, Dark? Nintendo. Ah ouais? Ben, ils ont même pas parlé encore du prix de la console, puis ils ont rien dit sur leur... Ben, c'était-tu confirmé que c'était 300 pièces? Ouais, ça a l'air qu'ils ont confirmé pour Society UK, mais ça donne environ 300. Ouais, c'était pas à la conférence qu'ils ont confirmé ça. Non, c'était après, durant le E3, mais pas à la conférence directe. Ah, ben, c'est pour ça d'abord. Ils m'ont insulté. Moi, j'ai passé comme une heure à attendre la conférence, puis là, ils disent pas de prix, fait que je leur donne un coup de pied en arrière de la tête. OK. Et PL, pour toi, ton thumbs up, ton thumbs down, ça serait quoi? Mon thumbs up, ce serait quand même celui qui a plus attiré mon attention, qui a fait que j'étais le plus curieux, et effectivement, le Wonderbook de Sony. Puis encore, c'est pas ce que j'appellerais la chose la plus excitante. Mais c'est quand même la chose la plus curieuse. Parce que la façon maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Puis, en ce qui concerne le coupé dans le derrière, j'en ai pas vraiment. Parce que sinon, je devrais répéter que, comme vous autres, à part que moi, j'ai tendance à dire que c'est Microsoft en ancien, parce que j'ai trouvé que Microsoft, c'est une perte de temps. Dans le cas du E3, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Nintendo, ça m'a laissé un peu sur ma faim. Je dois dire, mais également Sony, faut pas que j'en plus non plus se le cacher. C'est juste que j'avais pas de grandes attentes, déjà en partant, au E3, vu que il y avait déjà, vu que les dernières années, c'était pas non plus forcément fantastique ou il y avait rien de vraiment... c'était pas vraiment des gros événements, c'est devenu comme blais, tu sais. Mm-hmm. Ce serait pas pire un livre de recettes sur la Wonderbook, interactif. C'est quoi, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils vont venir qu'ils vont sortir un truc du genre, puis que ce soit même commencé par Ubisoft. Ramsey Gordon de Hell's Kitchen. Ouais. Non, il va dire que the PS Move is a shit. The PS Move is a shit. C'est ça. Non, mais ils vont avoir trouvé au moins une utilité à PS Move. Tu vas l'utiliser pour le mélanger du stock dans ton bol. Tu peux faire des raves avec. Ouais, tu vas te mettre un petit peu de VIX dessus là, pour mieux mais le c'est quoi, j'avais vu il annonçait un jeu de boxe ou je sais pas quoi pour PlayStation 3, puis le gars il avait deux bâtons de crème glacée de Sony dans les mains, hein. Là, ça me semble que j'aurais l'air fou là, je sais pas, j'aurais l'air de rêver en donnant un coup de poing, tu sais, de la grosse musique boom boom en arrière, c'est trop. Il y en avait à te faire. Alors, les chroniques crème glacée, c'est ça la PS Move. Oui. Alors, j'ai rajouté de la crème de la glace dessus. Vous allez voir, ça va avoir un meilleur goût. Mm-hmm. Ça va mieux vous passer votre achat de 70$ pour rien. Et voilà. Mais il brille pas dans le noir, par exemple. Ah, non. J'ai la chronique crème glacée, sinon. Non. Non. Non. Oh. Si il commence entendu. À briller, s'il commence à briller, je commencerai à me poser des questions. Qu'est-ce que t'as mis dedans ta crème à glace, toi? De l'uranium! C'est qui dans nous quatre, il va devenir Hulk, là? Pas moi, certain. Ben, moi, j'ai le jeu de Hulk, fait que c'est peut-être un foreshadowing, je le sais pas. Ah, peut-être, hein. Faudrait que je demande à Marilyn qu'elle regarde ça avec toi. Mais je préfère Ghost Rider à Hulk, alors désolé. Ah, ok. Alors, mon thumbs up pour la conférence du E3 va à... moi, j'irais surtout avec la 3DS. Je trouve qu'il y avait quelques jeux quand même qui m'intéressaient pour ce qui est de la 3DS. Comparativement à la Wii U qui m'a comme déçu un peu. Là. Je pense qu'il va falloir attendre encore pour avoir vraiment voir ce que la console est capable de donner en ce qui a trait aux graphiques et aux jeux. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous offrir. Et mon top down, ben, pour moi, va à PlayStation. Gang de copieurs. Ah, c'est une petite gang de copieurs. Ouais, pour le PlayStation All-Star, ça c'est clair. PlayStation, ah. Ouais, le jeu de cartes, ils ont fait un Little Big Planet Racing Kart. Mais pour revenir à PlayStation All-Star, au moins, il faut dire ça à Sony, ils n'ont pas été hypocrites. Ils ont admis de leur plein gré, oui, on a copié sur Smash Brothers. Oui. Ils l'ont actuellement admis. Oui, oui. Ils méritent un peu de respect pour ça. Mais ils méritent. Et actuellement, ils méritent pas mon 60$, par exemple. Ah, tu serais surpris. Non. Est-ce que moi, j'achèterais? Non. Est-ce que toi, tu l'achèterais? Tu viens de dire non. Non, c'est sûr que non. En ça, ça m'intéresse pas, mais je pense qu'il risque d'intéresser bien des gens. Encore là, un des arguments, c'est « Ah, ben, il y a Kratos dedans. » Oui, mais t'as également Kratos dans Mortal Kombat. Exclusive au PS3. Ouais. In your face. Mais ouais. Les personnages qu'il y a dans ça, là, c'est tout des icônes de Sony, ou... Exactement! T'as Sly Cooper, t'as le clown dans... T'as le clown Two Fairy dans Twisted Metal... Ces personnages sont iconiques, sont connus, puis... Iconique, c'est un grand terme, disons. Okay. Crash Bandicoot, as-tu eu son spot? Crash, non, même plus. Il est même plus exclusif. Il est mort? Non, il est même plus exclusif. Il est partout. Ah, c'est vrai, il est plus exclusif, Crash Bandicoot? Mais non. Non, ils ont sorti des éditions sur Xbox et GameCube. Sur Game Boy Advance, puis sur des. Même s'il a commencé. Même chose pour Spyro, c'est bien trop vrai. Ah oui. Spyro a commencé sur PlayStation, puis. Ben oui. Astor est rendu en petite figurine partout. Un personnage qui devrait revenir, là, c'est Croc, le petit crocodile. Je me souviens même pas si. Tout le monde a oublié ce bonhomme-là. Ben, il y a des gens qui ont oublié Lover aussi. Fuck non. Qu'est-ce que t'as dit, Dark? Je pensais qu'il était dans Diddy Kong Racing, mais je me trompe carrément de bonhomme. Non, c'est punk. Ben, tant qu'à ça, faites revenir les grands personnages du 64, tu sais, la nurse, comment qu'il s'appelle? La nurse quelque chose, mais Chief, je pense. Qui ça? Nurse Mets Chief, c'est genre un jeu de plateforme où tu jouais une nurse qui va sauver un docteur. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Je m'en rappelle plus c'est quoi, là. Ou bien le fameux Glover que ta blonde parlait aussi dans Rétro. Lequel, ça? Glover. Glover. Sur le 64. Le gant qui se promène. Ah, oh, oui. Ou qui refait... Inconnu, qui fait venir Chameleon Twist aussi. Mm-hmm. Comment il s'appelle le gecko? Gex? Gex, oui. C'est Mischief Makers. Oui. C'est ça, oui, Mischief Makers. C'est ça, c'est un Christ de bon jeu, ça. J'ai jamais joué. Boxy, oh my. J'ai pensé à Boxy, mais il a pas commencé avec Nintendo, lui, en fait. Non, il était sur Sega, pis tout. Oh, c'est vrai. Ok, bon. Ben, j'imagine que la licence doit pas coûter cher. Boxy 3D2, oh ouais, let's go. Oh my god. Ramène donc Starman, là. Le je pense que j'ai trouvé ce qu'il y a qui. Si jamais je te pointe, c'est là, je sais qu'est-ce que je t'envoie, en tout cas. Il a perdu les doigts pour Q-Bird, t'as qu'à ça. J'ai déjà Bobsy, là, fait que tu m'auras pas, là. Bobsy 3D sur PlayStation 1. Tu me fais vomir des arcs-en-ciel, genre, des couleurs de lettres, là. Ben, écoute, c'est sûr que tu peux pas donner mieux que le fameux Twilight à Just Voyons. Player. Hein? À Just Player, c'est ça, Just Pauvre Just Player. Ben, c'était bon, Anubis, non? Oh, c'était que... ouais. Je pensais comme souvent. Gobir est plus passionnant qu'Anubis 2. Très exact. Effectivement. Alors, là-dessus, ben, on va se quitter, les accros. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur nos podcasts, dans notre podcast. Je vais commencer avec Review RCE. Comment on peut te rejoindre sur les internets? Les internets, mon Dieu, sur le forum, je viens faire mon tour de temps en temps, là, mais je check pas toujours, faudrait que je m'y remette un peu. Il y a mon Facebook, j'ai mon Twitter. C'est quoi ton Twitter? ReviewerCE, facile. Ok. Il y a mon Facebook, c'est ReviewerCE aussi. La page officielle des accros également. Sur également. Puis je vais faire en sorte de revenir bientôt, là. Je vais me forcer pour faire de quoi, là. Mais il faut que je pense à quelque chose de pas pire, là. Parce que j'ai eu starté quelque chose. finalement, j'étais pas satisfait, puis j'ai pas le goût de le continuer. D'accord. Alors, on va t'attendre avec impatience, CE, là-dessus. Dark, comment on peut te rejoindre sur les internets? Moi, c'est dur de me rejoindre, mais je suis sur le site des accros, fait que ça peut être long avant que je réponde, mais je finis toujours par donner signe de vie. C'est bon. Antithèse, comment on peut te contacter sur internet? Comme tout le monde, là, je suis disponible sur le forum des accros des juges, même assez fréquemment. Je suis également rejoignable sur Twitter à commercial antithèse 16 S-A-Y-S. Mm-hmm. Ensuite, le email. Ben, j'attends vos emails sur si vous avez des questions ou des commentaires ou des critiques ou des menaces de mort sur antithèse A-N-T-Y-T-H-E-S-E A commercial yahoo.ca ou le même pseudonyme A commercial gmail.com. Alors, puis Retro Gamer, comment on peut te contacter? Alors, on peut me rejoindre sur Facebook, et sur YouTube, sur Tag Télé, oh sur le site God. Des accros des jeux, et puis aussi dans une épicerie près de chez vous. Non, ça c'est pas vrai, pardon. Je rêve tellement d'ouvrir une porte d'épicerie et de voir Retro Gamer qui est en train de me donner un jeu. Avec une patate en bloc d'aluminium. La lumière fut. La lumière fut. Gamer. Marie-Lune a dû nous quitter précipitamment aujourd'hui. Elle avait quelques choses à faire. Alors, si vous désirez contacter Marie-Lune, vous pouvez la contacter sur notre page, notre forum Accro des Jeux, ainsi que la page Facebook d'Accro des Jeux. Vous pouvez également la contacter via son Twitter, qui est à commercial terrien Marie-Ève, M-A-R-I-E-V-E. Et ainsi également que sur notre courriel accrodesjeux@commercial.gmail.com. Et pour me contacter, vous pouvez me contacter directement sur la page de Facebook officielle des Accros des Jeux. Vous pouvez également me suivre sur le Twitter d'Accros des Jeux. J'utilise le Twitter d'Accros des Jeux comme pour le mien quasiment. Fait que si vous voulez me contacter, je suis un des premiers à vous répondre. @commercial@accrodesjeux. Vous pouvez également me contacter via notre courriel internet accrodesjeux@commercial.gmail.com. Et sinon, les Facebook, je refuse les invitations tout simplement par principe que si je vous connais pas, ben vous n'êtes pas vraiment un ami, donc je ne vous accueille pas sur Facebook. C'est dommage. Bigman n'est pas commencé par Jean Coutu. Ben, c'est pour ça que vous quatre. Vous êtes amis avec moi sur Facebook et que les autres, vous ne l'êtes pas bébé. C'est moi qui ai commencé par Jean Coutu. Je travaille chez Jean Coutu. Ils m'ont pas accepté. Fait que c'est pas des vrais amis, c'est des hypocrites. Ils disent que tu retrouves un ami, ça veut pas dire que les autres vont être ton ami. Alors, sur ces brillantes paroles, c'était le Big Ben. Retro Gamer PQ. C'était à mon tour, là? Oui. Ah, non, je sais qu'on sait jamais c'est qui, là, t'sais. C'est ça. Ouais, faudrait qu'on trouve une suite à faire. Alors, c'était Reviewer 7, tu l'as dit, toi aussi. Hein, ah ouais, je suis en deuxième, moi. Ouais, c'est mon spot, ça. Je pense que c'est rien de t'en mettre avec moi, alors désolé, c'est... T'as pris mon spot. Nous fumes stéréo. Alors, ce fut le pot. Et Marie-Lune qui vous dit bye-bye également. Alors, c'était le podcast des accros, l'édition du mois de juin 2012. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine.